Les journaux Internet sud-coréens Tongil News et Chazu Sibon ont rapporté que le comité de promotion de l'Action pan-nationale pour la paix 15 août en faveur du rétablissement de la souveraineté et de la paix dans la péninsule coréenne, regroupant 16 régions sud-coréennes, est constitué des organisations sociopolitiques de toutes les couches comme ouvriers, paysans, pauvres, femmes, jeunes et élèves, a tenu le 3 à Séoul une conférence de presse. Les orateurs y ont condamné les États-Unis, source de la division et des souffrances de notre nation, et surtout manipulateurs en coulisses des crimes japonais au sujet du problème de la péninsule coréenne, et déclaré de livrer le 15 août sur la place de Séoul, devant les ambassades américaines et japonaises et la place de Gwanghwamun, le rassemblement pan-national, la marche et l'action pacifique à la chaîne humaine. Il y a eu ensuite la lecture du message de la conférence de presse exigeant des États-Unis et des autorités sud-coréennes l'interruption des manœuvres militaires conjointes et le commencement de négociations pour changer l'accord d'armistice en système de paix, l'abolition de la politique hostile et de la politique de guerre envers le Nord, le retrait du fonctionnement et de la disposition supplémentaire de Saad et l'annulation du traité militaire avec le Japon et de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.